Mon gros, le disque d'or est loin pour que je change de décor. C'est les guerres entre quartiers que je déplore. Au bâtard, c'est de grand, nique ta mère que je rétorque. Difficile en amour de vous dire c'est bon, j'ai tort. J'ai marché sur des sentiers à chercher des pépites d'or. Frère, t'es sur escapé du bitume, laissé pour mort. Merde, j'ai survécu à tous ces coups des trapalgars. Mon char, comme d'être que c'est, seul tout face à trois mal à part. Dérapage contrôlé dans les virages, sur un mirage de ciment, sanguinaire et l'héritage. Les colons viennent avec une colombe, les chiens tassent, se dévorent le museau à l'aide de fusils à pompe. Pourquoi tu craches pas de cage? Je suis un nègre acharné. Vas-y, mais casse-toi de là, tu m'as l'air déraciné. Effet de glace devant le drame du carrefour des frêles. Sur l'autoroute de la gloire, j'ai mis les feux de défrêle. Tu parais ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la cracher. Tu paries ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la cracher. Ce petit garnement, aujourd'hui je crache ma colère face au gouvernement. Là-bas c'est l'Afrique et j'ai la famille qui m'attend. J'ai laissé ma destinée aux mains du Tout-Puissant. Je reste à la hauteur des attentes de mon peuple. Façon calibre dans la bouche du patron de ta maison scud. Cartouche vidée, partout c'est fliqué. C'est risqué de traîner seul le soir sur Aubervilliers. Pilier de la banlieue nord-est. Ce qu'il nous reste c'est le seum. T'aurais couru comme Forrest Gump si j'aurais ce gun. Inch'Allah, quand il est neuf va bientôt sortir. On a la vie devant nous même si le temps passe trop vite. Je suis pour l'effort de guerre, ne fais pas la forte tête. C'en est fini de se plaindre, je sais comment faire l'oseille. Crac pilon, recette, une pesette pour la zeb. Si t'es correct, t'auras pas ton assassin, tes obsèques. En vain, je cherche la lumière au cœur des ténèbres. Loin des quatrines de neuf, de Pardieu et la tour Eiffel. Banlieue parisienne dans les veines, j'en suis fier. À deux rues d'ici, j'ai des potes qui pleurent au cimetière. Hey, tu parais ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la rage. Tu paries ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la cracher. Ce petit garnement, aujourd'hui je crache ma colère face au gouvernement. Là-bas c'est l'Afrique et j'ai la famille qui m'attend. J'ai laissé ma destinée aux mains du Tout-Puissant. Sans tenir compte des guerres de gang, j'avance à l'ancienne. C'était l'époque des bandes, la thèse, des centres enfouraillés vers une ville voisine. Tu sais que pour s'en battre, tu n'es qu'une tapin en Asie. Là tu nous sens massif, hein. Joute verbale splendide, côté obscur attractif. Pour la traque du pif, on s'entraîne, on reste à la traîne. On s'entraide ou ça reste à la dèche. On s'emmerde parce qu'on vient de la dèche. Tu parais ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la cracher. Tu paries ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la cracher. Tu paries ton recul que la roue va tourner. Entends-tu ces bruits de chaîne du port de l'île de Corée? Gros, ça vient du 9-3 pour l'Afrique ignorée. La rage du tiers-monde, à cœur joie, je vais la cracher. Tourner, tourner. Corée, Corée.